Là, à l'instant, Raymond Poirier est avec nous. Bonjour, Raymond. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Excellent. On va jaser de l'ouverture des données ce matin. Oui, en fait, ça devient un enjeu public-privé. Disons, on parle beaucoup d'ouverture des données, open data et le reste. Et on a vu au fil des dernières années de plus en plus de villes, entre autres, ouvrir leurs données autant qu'utiliser leurs données de manière intégrée à l'intérieur de plateformes de pilotage, par exemple. C'est le cas à New York, entre autres, le bureau du maire avait lancé il y a quelque temps un tableau de bord qui visait à donner du sens aux innombrables silos de données qui étaient générés, à peu près 212 jeux de données qui provenaient de 70 agences, et on dit, on crée un dispositif qui permet de suivre, dans le fond, une série de situations qui vont d'alerte sur l'augmentation du prix de l'immobilier, au nombre d'appels au 311 relatifs au bruit, de plaintes sur les niveaux de saleté dans les rues, etc. Alors, de plus en plus, il y a une utilisation très large de ces jeux de données qui peut être effectuée. Mais en même temps, ce qu'on remarque, c'est que plus on les utilise, ces jeux de données-là, plus on se rend compte de certaines limites ou de certains défis auxquels on doit répondre pour véritablement les utiliser à leur plein potentiel dans le contexte d'un usage gouvernemental ou administratif. Mais en même temps, qu'on se rend compte aussi des défis qu'il y a à rentabiliser ces données autrement que par leur utilisation dans le cadre gouvernemental. Donc, dans un contexte de données ouvertes, comment on fait pour amener les gens à vouloir les utiliser? Et surtout, comment on fait pour générer des données qui sont utilisables dans d'autres contextes? Dans la mesure où la donnée, évidemment, est difficilement, difficile à sortir intégralement de son contexte social, de son contexte sociétal, de la raison pour laquelle elle a été générée au départ. Est-ce qu'elles sont fiables, ces données-là? Visiblement, oui. Tout dépend de la source, en fait. Ouais. De manière générale, en fait, on va y aller avec deux exemples privés, parce que c'est là peut-être que les enjeux de fiabilité peuvent susciter certaines petites alarmes ou préoccupations. Au niveau municipal, au niveau gouvernemental, techniquement, la donnée, elle est fiable et comme c'est de l'information publique, il y a une certaine transparence qui est de facto requise, ce qui n'est pas le cas pour l'entreprise privée. Alors, évidemment, les jeux de données des villes gagnent à être mis à côté de jeux de données au niveau du privé. Par exemple, quand on parle d'acteurs du transport, les administrations municipales, autant que les gens qui travaillent dans le domaine, aiment bien mettre à côté les données générées par les administrations et d'autres par Uber, par exemple. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'éventuellement, il y a des plateformes comme Uber qui ont choisi d'ouvrir, dans le fond, une partie de leurs données. Donc, de créer un... Dans le cas d'Uber, en fait, ils ont créé un mouvement qui s'appelle Movement, justement, et qui permet aux villes, à certaines villes, en fait, quatre pour l'instant, d'accéder à une sélection de données pour les aider à, dit-on, mieux gérer leur trafic. Donc, par exemple, regarder le temps nécessaire pour aller d'un point à l'autre de la ville en fonction de l'heure ou de la semaine. Il y a 2 milliards donc de trajets anonymisés qui sont accessibles par cette application-là. On promet d'étudier l'étude des comportements routiers, l'analyse de phénomènes externes et autres. Par exemple, quel impact aurait la fermeture d'une ligne de métro sur l'industrie du taxi. Alors, donc, ce qu'on dit du côté d'Uber, c'est regardez, on a de l'information, on la rend disponible, on veut que vous puissiez prendre des décisions informées. Par contre, ce que certains spécialistes disent, c'est que certes, ces données-là existent et peuvent avoir une certaine utilité, mais en même temps, c'est pas exactement les questions auxquelles les villes souhaitent répondre. Donc, le premier défaut, l'information privée, c'est qu'on n'a pas nécessairement, dans le fond, la donnée qu'on souhaiterait avoir, mais on a la donnée qu'ils souhaiteraient nous fournir, aussi véridique soit-elle. Cela dit, dans le cas d'Uber, donc les données à tout le moins étaient légitimes, c'était simplement des aspects de l'information que eux traitent qui était jugée comme manquant. Donc, ils pouvaient venir un peu limiter l'utilisation que les administrations pouvaient en faire. Oui, c'est un peu, là, si j'essaie de comprendre, Raymond, c'est un peu comme un journaliste qui pointe sa caméra sur un incendie, un point fixe, alors qu'on pourrait élargir le point de vue, là. Exactement. Il y a des choix qui sont faits dans les données, dans le choix d'offrir ces données-là. Au niveau de l'administration publique, c'est souvent des choix en termes de transparence, en termes d'obligation, en termes de transparence, mais des choix en termes d'anonymisation, de respect de la vie privée et le reste. Donc, les enjeux sont plus à ce niveau-là. Ouais. Au niveau de l'entreprise privée, mais ça devient des enjeux stratégiques. L'autre exemple, c'est celui d'Airbnb qui ont fait un peu la même démarche, donc dans l'idée d'ouvrir un peu certaines de leurs données. Mais par contre, là, c'est des observateurs, des groupes citoyens, militants et autres qui ont remarqué qu'il y avait disons, un certain manque ou certaines particularités entre les jeux de données qui avaient été ouvertes et la réalité des sites web d'Airbnb dans les villes ciblées. Donc, on avait remarqué que Airbnb avait enlevé, fait disparaître, en fait, certaines données d'utilisateurs qui proposaient plusieurs appartements, donc qui étaient en violation avec les droits et lois des États. Donc, c'est un problème qui est présent sur Airbnb qui essaie de gérer de son côté cette situation-là, mais... Dans le contexte d'ouverture des données, ils avaient simplement enlevé ces aspects plus problématiques-là. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, ils avaient donné des... Il y avait ouvert des données qui étaient non représentatives, qui étaient fausses, qui étaient non adéquates. Donc, si on a un jeu de données auquel on a enlevé certaines variables, ben nécessairement, ce jeu de données-là n'a plus d'utilité dans le contexte où il a été généré non plus. Ouais. Alors, donc, il y a les choix stratégiques de l'entreprise quant au type de données, mais il y a aussi la volonté de l'entreprise à véritablement ouvrir ces données. Ouais, alors, difficile de s'y retrouver là, faut avoir on y revient toujours un peu à l'esprit, avoir l'esprit critique. Il y a pas de chien de garde là qui analyse tout ça, qui met des alertes là. Exactement, en fait du côté des entreprises, il y a pas de nécessairement de standard d'analyse de surveillance, donc ce qui fait qu'on peut ouvrir des choses qui sont pas nécessairement en réponse précise à ce qu'on aurait besoin ou ce qu'on souhaiterait avoir. Du côté de l'administration publique, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres enjeux aussi qui sont en cours. Évidemment, donc on parle plutôt du fait, on revient un peu à ce que je disais, l'idée que les données sont générées dans un usage précis. Donc, quand on essaie de sortir de cet usage précis-là, ben on se rend compte qu'il y a des manques à l'intérieur de ces données-là. Je suis tombé sur une étude qui est en lien avec le Grand Lyon, donc mes exemples vont être surtout lyonnais, mais je trouve qu'ils sont assez parlants. Donc, en fait, on explique, entre autres, pour... disons, illustré de manière plus détaillée tout ça, là. Donc, il y a dans Lyon, deux jeux de données relatifs aux emplacements des stationnements pour véhicules à deux roues, donc vélo et autres. Donc, il y en a un qui est fait par la ville de Lyon, donc la municipalité, et l'autre qui est fait par la communauté urbaine du Grand Lyon, donc un peu comme si l'agglomération de Québec avait des jeux de données aussi. Et donc, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que la ville de Lyon, elle a un pouvoir législatif. Donc, elle va prendre les arrêtés de stationnement, elle va fixer, dans le fond, les emplacements des parkings pour les deux roues. Et le Grand Lyon, lui, va installer les équipements et gérer ceux-ci sur l'espace public. Donc, ce qui fait qu'on a deux types de données qui intègrent pas exactement les mêmes variables, qui existent pour le même enjeu, finalement. Donc, d'un côté, il y a certaines informations qui sont manquantes. De l'autre, il y en a aussi qui sont manquantes. Ça commence à être un travail à temps plein d'aller chercher la bonne information. Alors, en fait, le chercheur lui-même a identifié trois facteurs qui limitent donc l'usage des données dans un contexte comme celui-là. Le premier, donc, c'est l'absence, justement. Donc, on a une donnée, mais qui est en soi complète pour l'usage pour lequel on l'a généré, mais qui est pas complète pour d'autres usages qu'on pourrait vouloir lui donner. Mmh. On donne l'exemple de données qui sont générées dans un contexte géographique, mais pour lequel il manque des informations de navigation. Donc, on pourrait pas prendre la donnée et la mettre dans un GPS. Il manque des gabarits de circulation. Donc, plusieurs informations qui vont venir l'enrichir. Dans un deuxième temps, c'est un peu en lien avec l'exemple que je viens de donner. Donc, c'est l'échelle de la donnée qui correspond au périmètre de compétence de l'institution qui l'a générée. Et donc, dans un cas comme celui-là, ben on a donc deux types de données selon les usages législatifs de cette donnée-là. Dans d'autres cas, on donnait un exemple toujours à Lyon d'un parc qui appartient pas à la municipalité pour lequel, dans le fond, il n'y a pas de données en lien avec les toilettes publiques. Mais il y a des toilettes publiques dans ce parc-là. C'est sûr qu'ils sont dans d'autres jeux de données, dans d'autres types de gouvernements. Donc, ça fait que dans un contexte municipal, ces données-là ne s'y retrouvent pas. Et la troisième contrainte, c'est la structuration. Donc, dans la mesure où, et ça, c'est la même chose un peu pour l'entreprise privée, c'est la même chose partout. Pour l'instant, il n'y a pas de grandes normes standards ou nationaux ou internationaux pour la quasi-totalité des données. Donc, ce qui fait que la réutilisation des données dans différents contextes est d'autant plus difficile. Est-ce qu'on pourrait espérer voir un organisme qui chapeaute tout ça, ces normes-là? Le gouvernement... Il y a déjà des tentatives, mais il faut que ça vienne des utilisateurs de données. En fait, ici au Québec, les villes et le gouvernement qui, à un moment donné, se sont entendus pour se donner un standard commun parce que, justement, ça rendait trop difficile la réutilisation des données dans différents contextes municipaux. Donc, éventuellement, ça sera une norme qui va en venir à s'imposer peut-être un peu plus avant parce qu'utilisée de manière plus généralisée. Et cette norme-là deviendra le standard, mais je pense que ça va venir de la volonté des acteurs locaux pour s'organiser de manière régionale. Et éventuellement, à force de s'organiser en respectant ou en s'inspirant de ce que d'autres régions ont fait, ben il y aura peut-être des standards nationaux ou internationaux qui vont émerger d'eux-mêmes. Mais il va falloir que tout le monde se parle. Oui, et en même temps, il va falloir aussi aussi que les administrations s'assurent de pouvoir enrichir les données qu'ils vont générer. Je donne un exemple, s'il manque des informations, mais évidemment, on peut enrichir cette donnée-là, donc ajouter les renseignements qui manquent pour la rendre véritablement utile. Il faut consolider les données, homogénéiser c'est les données qui proviennent des différents producteurs. Donc, il y a un gros travail, si on peut dire, à faire pour rendre cette donnée-là utilisable et utilisée. Et encore là, la sous-question, c'est de voir est-ce que c'est de la responsabilité du producteur de données de la rendre malléable? Est-ce que c'est une entité additionnelle qui devrait être en charge, dans le fond, d'enrichir ces données-là pour en favoriser la réutilisation? Donc, il y a plusieurs questions qui se posent. Et ce que certains spécialistes disent, c'est qu'au final, ben évidemment, les premières années de l'open data ont fait émerger son potentiel. On voit l'utilité que ça peut avoir d'un point de vue démocratique, d'un point de vue gouvernance et reste. On voit qu'il y a des acteurs qui ont le désir de contribuer et de participer à ce contexte-là, mais on voit aussi les manques ou les défis qui sont associés à ces données-là. Et en parallèle, ces manques-là font aussi émerger le rôle politique de la donnée. Dans le fond, que de fournir une donnée, de bien la fournir pour la réutilisation, ça devient un geste politique qui favorise une certaine transparence, une certaine surveillance, mais dans le fond qui va au-delà de la donnée elle-même. Et donc, ce qui, pour certains acteurs du milieu, regardez, ça montre d'autant plus l'urgence de mieux s'organiser autour de ces données-là. Parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où ces données sont données, excusez-moi, alors que c'est la vérité, que c'est tout à fait juste, que c'est très objectif, alors que là, c'est pas tout à fait le cas. C'est un éclairage sur un point de vue. Exactement. Dans tous les cas, c'est généralement un éclairage sur un point de vue, à moins qu'elle ait été enrichie. Et dans la majorité des cas, on peut se fier quand même à ce qui a été généré, mais effectivement, ça devient un enjeu pour rentabiliser d'autant plus ces données-là. Donc, de quelle manière on peut modifier, dans le fond, la culture organisationnelle pour s'assurer peut-être que dès le départ, la donnée soit enrichie, comment on peut élargir un peu le spectre de ce qu'on va aller chercher et quels sont les exemples desquels on peut s'inspirer, parce qu'on s'entend, il y a des endroits où ça se fait déjà, des initiatives de ce type-là. Est-ce que ça coûte cher, ça? Est-ce que c'est des gros sous? C'est des emplois, c'est de la job. Donc, dans le fond, on sait que l'idée que la donnée ouverte, c'est pas quelque chose qui se donne gratuitement. Ça engendre des frais, ça engendre des défis organisationnels, ça engendre des frais en ressources humaines, ça c'est clair. Alors, c'est la rentabilité à long terme. Voilà. Merci Raymond. Fait plaisir. Et bonnes vacances. Merci. Profite bien. 7h47.